feu de Carmageddon en refaisant le cuisson. Elle bissait tout tout. Elle m'en main. Réagit en fin d'immense. Elle ouvre ton kina ou lance mon main. Ouvrance. Elle m'en main au verre falche. A ouvrir le capel ou nouveau que sang, j'ai sous terre, retombe, j'ai du sang. Un œuf et les deux séchures carrévages. Et sans me cave, sans me crise d'où. Une vue, je. A une fesse sous ma crise d'où, une vue, abus, je. A une vue, la peine de que je. En me changeant, je suis dans le pévasé. Ou une drogue pévasé. A la pévasé, vous guessez, je. Sans air pour devant, je. A la pévasé, vous guessez, je. Les mon frère, on rappelle au VDMS, c'est mon frère, puis je suis six, mais on remunit, je suis au VDMS, et je vais voir. Fini de nous solos, je. Oh, mon rêve, je pars, t'as remis, riche, nos promets, reste les noms, je dis, vache, mais on veut pas le vaisseau. Ils disent, en riche, des îles, héros, un autre rêve. Rêve, laisse, j'ai mes facs, de ma part, me le. Vas-y, vache, vas-y, me ta mal, on vous soutenir, notre rêve, c'est avoir des dessins, en mes chiffres, dis, sur les. Lève le jeu, je te sape, dis, je te chale. Non, qu'est-ce qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont,